Devenu premier consul au lendemain du coup d'État de Brumaire, Bonaparte écrit à l'empereur François II, qui a succédé à Léopold en 1792, le 25 décembre 1799, pour lui faire des offres de paix, mettant en avant leurs échanges passés, allusion aux négociations de paix engagées par le général de l'armée d'Italie et qui ont conduit à la paix de Campo Formio. Dans les relations que j'ai eues précédemment avec votre majesté, lui écrit-il, elle m'a témoigné personnellement quelque estime. Je la prie de voir dans la démarche que je fais le désir d'y répondre et de la convaincre de plus en plus de la considération toute particulière que j'ai pour elle. Il faut évidemment prendre la mesure des subtilités d'un langage diplomatique qui masque en fait les préparatifs de la prochaine campagne. On y note néanmoins le tour personnel sur lequel d'emblée Napoléon Bonaparte place ses relations avec l'empereur François II, lequel n'aura au contraire de cesse de garder ses distances avec le chef d'État français, du moins dans un premier temps. Leur correspondance est à cet égard significative. Mais au-delà des aspects personnels, la relation engagée dès 1796-1797 entre la maison des Habsbourg et le général en chef de l'armée d'Italie, devenu premier consul puis empereur, se place sur le terrain de la rivalité de puissance à puissance, que ce soit dans le domaine territorial, politique, économique et même symbolique. L'arrivée du général Bonaparte en Italie en avril 1796 surprend les autorités autrichiennes qui considéraient depuis le début de la guerre contre la France l'Italie comme un front secondaire. C'était aussi du reste l'opinion du directoire, soucieux de privilégier davantage l'armée d'Allemagne. Mais Bonaparte en décide autrement, en multipliant les victoires contre les armées autrichiennes, contraignant l'empereur à envoyer en Italie son propre frère, l'archiduc Charles, impuissant pourtant à contrer l'avance des troupes françaises. Ses talents militaires ne sont pas en cause, mais il dispose d'une armée très affaiblie, ce qui fera dire à Bonaparte « J'ai battu jusqu'ici des armées sans général, allons maintenant battre un général sans armée ». Mais Bonaparte ne se contente pas d'être un général d'armée. Il se transforme aussi en véritable chef d'État, organisant notamment la République cisalpine. Il se mue aussi en diplomate, aux grandes dames du directoire. Dès le 31 mars 1797, il s'adresse à l'archiduc Charles, en sa qualité de chef d'armée, pour faire des ouvertures de paix. Mais il n'ignore pas les liens qui l'unissent à l'empereur et vise déjà à travers lui François II. « Vous, monsieur le général en chef, qui par votre naissance approchez de si près du trône et êtes au-dessus de toutes les petites passions qui animent souvent les ministres et les gouvernements, êtes-vous décidé à mériter le titre de bienfaiteur de l'humanité entière et de vrai sauveur de l'Allemagne ?» lui écrit-il. L'armée française est alors à Klagenfurt et s'avance vers Vienne. Deux semaines plus tard, les préliminaires de paix sont signés à Leuben, à 100 km de la capitale autrichienne. Mais les négociations de paix traînant en longueur, Bonaparte reprend la plume pour s'adresser directement, chose inhabituelle, au souverain autrichien, mettant en cause son entourage et l'invitant à favoriser une paix rapide. François II ne répond pas directement, mais le 20 septembre, il désigne Cobenzl comme plénipotentiaire et assure le général Bonaparte, dans la première lettre qu'il lui écrit, que ce dernier a toute sa confiance. Les premiers mots de l'empereur à Bonaparte révèlent le sentiment de crainte qui l'anime face à une menace directe sur Vienne, je cite. « Après cette nouvelle assurance de l'esprit de conciliation qui m'anime, donc c'est François II qui parle, je ne doute pas que vous ne sentiez que la paix est entre vos mains et de vos déterminations, dépendra le bonheur ou le malheur de plusieurs millions d'hommes. » Et il ajoute, toujours François II, un peu plus loin, « Je me suis surtout décidé au parti que je prends aujourd'hui sur l'opinion que j'ai de votre loyauté et l'estime personnelle que j'ai conçue pour vous, dont je suis bien aise, monsieur le général Bonaparte, de vous donner ici l'assurance. » La voie est libre pour la signature du traité de Campo Formio le 17 octobre 1797. C'est un succès indéniable pour Bonaparte, mais l'Autriche s'en sort mieux qu'à l'issue des préliminaires de Leuben. De ce point de vue, la tergiversation dont elle a fait preuve s'est avérée payante. Surtout, ce traité de paix marque une évolution déjà perceptible en 1795 au moment de la paix signée entre la Prusse et la France, à savoir la fracture entre les intérêts de l'Empire germanique et ceux de la Maison d'Autriche. François II signe le traité en sa qualité d'empereur, autant que comme souverain de ses États. Or, comme empereur, il accepte, dans un article secret, de reconnaître à la France la possession de la rive gauche du Rhin, y mettant simplement comme contrepartie la réunion d'un congrès qui se tiendra à Rastatt, de qui doit régler les différends entre les deux puissances. Mais à l'inverse, François II est parvenu à défendre ses intérêts propres. Il cède, certes, les Pays-Bas autrichiens, mais déjà perdus depuis 4 ans, ainsi que la Lombardie, mais il obtient en compensation la plus grande partie de la République de Venise, y compris la ville de Venise elle-même, qui n'était pas prévue dans les préliminaires de Leuben. L'Autriche se sent pourtant peu engagée par le traité de Campo Formio et prépare immédiatement la reprise de la guerre, qui sera effective 1 an plus tard, tandis que les négociations de Rastatt échouent. Pendant ce temps, vous le savez, Bonaparte vogue vers l'Égypte, d'où il ne revient qu'en octobre 1799, pour constater la perte par la France de ses conquêtes italiennes. Devenu premier consul, il écrit, comme on l'a vu, à François II pour lui annoncer que, je cite, « la nation française l'a appelé à occuper la première magistrature ». François II ne répond pas à cette lettre. 6 mois plus tard, l'armée française est vainqueur à Marengo. Le 16 juin, 2 jours plus tard, ensuite, sur le champ de bataille même, manière d'impressionner son correspondant en lui signifiant que lui, Bonaparte, a pris la tête de ses troupes, le premier consul écrit à nouveau à l'empereur pour lui proposer la paix. C'est sur le champ de bataille de Marengo, au milieu des souffrances et environné de 15 000 cadavres, que je conjure votre majesté d'écouter le cri de l'humanité et de ne pas permettre que la génération de 2 braves et puissantes nations s'entrégorge pour des intérêts qui leur sont étrangers. Puis Bonaparte se livre à un véritable plaidoyer en faveur de la paix en démontant tour à tour tous les arguments qui pourraient justifier la guerre entre les deux pays. Il aborde dans cette très longue lettre la question religieuse, la question de la nature du pouvoir et celle des prétentions territoriales des deux États. Et il propose le traité de Campo Formio comme base de négociation. François II se presse d'autant moins de répondre qu'il compte d'une part sur l'armée autrichienne envoyée en Bavière et surtout sur le soutien financier de l'Angleterre qui s'engage précisément à ce moment-là par un traité signé le 20 juin à verser à l'Autriche 60 millions. Pourtant, François II se décide à répondre à Bonaparte le 5 juillet, se défendant d'avoir pris les armes contre la France révolutionnaire. C'est un propos qui mérite d'être cité, me semble-t-il. Ce n'est point contre telle ou telle forme de gouvernement en France que j'ai jamais combattu, écrit-il à Bonaparte. J'ai pris forcément les armes pour la défense de mes États, 2 fois attaqués, sans provocation de ma part. Je fais la guerre comme chef du corps germanique pour le soutien de l'Empire. Il se dit par ailleurs prêt à une suspension d'armes, mais récuse le traité de Campo Formio qu'il juge trop compliqué. Il parvient surtout à gagner du temps, mais ses armées n'en sont pas moins battues, notamment en Bavière en décembre par Moreau, ce qui le conduit à signer le traité de Lunéville sur les bases du traité de Campo Formio. Une différence cependant se fait jour entre les deux traités. Si en 1797, l'empereur allemand gardait la main sur les négociations à venir au congrès de Rastatt, il la perd généralement après Lunéville, puisque la recomposition de l'Allemagne, sanctionnée par le Rosset de février 1803, s'est appuyée essentiellement sur un plan proposé par la France, soutenu par la Russie, et qui fait la part belle à plusieurs États allemands, dont la Prusse et la Bavière, au détriment de l'Autriche. Ainsi, si l'empereur conserve à l'Autriche les acquis de 1797, il voit s'effriter un peu plus son pouvoir impérial. L'Empire, en effet, est en sursis. Entre la paix de Lunéville et la proclamation de l'Empire en France, François II assiste, sans pouvoir s'y opposer, à la montée en puissance de Bonaparte. En août 1802, il ne peut que reconnaître le passage au consulat à vie. Pour la première fois, Bonaparte se voit reconnaître son titre de chef d'État. Il devient citoyen premier consul. Et François II lui écrit « Vous avez bien mérité de l'Europe en rendant le calme à la France et la stabilité à son gouvernement. » Et s'il défend les intérêts de Ferdinand dépossédé de la Toscane, il ne fait en revanche aucune allusion à la désignation de Bonaparte comme président de la République italienne en janvier 1802. Une seconde phase s'ouvre en 1804, à travers ce que l'on peut appeler, ce sera mon second point, la lutte des deux empereurs. Le 18 mai 1804, le Sénat adopte le Senatus Consulte par lequel la République française est confiée à un empereur. Talleyrand, ministre des Relations extérieures, en informe immédiatement les cours étrangères. La réponse de l'empereur d'Allemagne se fait attendre. Ce n'est que le 16 août 1804 que François II écrit à Napoléon. « Monsieur mon frère, je prends une vive part à l'heureux avènement de votre majesté et de sa maison à la couronne impériale héréditaire et je l'en félicite avec une satisfaction bien sincère, analogue au sentiment qu'elle m'inspire. » Et il ajoute « Je m'empresse de notifier en même temps à votre majesté impériale que je viens de me faire proclamer empereur de mes états héréditaires et je me flatte qu'elle en apprendra la nouvelle avec un intérêt et une amitié réciproques. » François II sent déjà poindre la menace pesant sur la couronne impériale allemande. Napoléon n'a pas caché son souhait, en effet, de reprendre l'héritage de Charlemagne, programmant pour septembre un voyage en Rhénanie sur les traces précisément de Charlemagne qui le conduit notamment à Aix-la-Chapelle. C'est dans cette ville, du reste, que l'ambassadeur autrichien vient remettre à Napoléon ses lettres de créance le 5 septembre. À la fin du mois, l'ambassadeur français non-père de Champagny arrive à Vienne, porteur de lettres par lesquelles la France reconnaît le nouveau titre de François, désormais François Ier, empereur d'Autriche. Trois mois plus tard, Cobenzl est aux premières loges pour assister au sacre, donc l'ambassadeur d'Autriche à Paris, au sacre de Napoléon. Mais les relations entre les deux empereurs ne tardent pas à se dégrader. À l'occasion du 1er janvier 1805, Napoléon écrit ainsi à l'empereur d'Autriche pour lui faire part des mesures qu'il a prises concernant la République italienne. Il lui annonce qu'il a renoncé à ses droits sur le pays et qu'il a proclamé son frère Joseph roi héréditaire de cette contrée, avec la clause de renonciation, précise-t-il, à la couronne de France. On sait évidemment que Joseph refuse cette couronne. Puis l'empereur des Français se plaint de la concentration de troupes autrichiennes dans le Tyrol et en Carniole et menace d'une semblable concentration de ses armées en Italie et sur le Rhin, ajoutant, perfide, qu'il s'agit d'opérations très coûteuses pour nos finances. Fin de citation, propos qui ne peut que teinter désagréablement aux oreilles de l'empereur d'Autriche, dont les finances sont régulièrement en déficit. François se défend maladroitement en arguant de la nécessité de se protéger des maladies contagieuses qui ont malheureusement été apportées d'Amérique en Espagne et de l'Espagne en Étrurie. Mais surtout, dans une très longue lettre, il justifie ses choix passés en une formule qui peut surprendre quand on se souvient qu'il se disait naguère peu soucieux du régime adopté par la France. « Je n'ai porté... écrit-il, si devant les armes avec tant de constance que dans des vues également salutaires. Tout ce que votre majesté vient d'exécuter pour la régénération de la monarchie française met dans un jour plus évident la pureté de l'intention dans laquelle j'ai tâché d'en empêcher la destruction, autrement dit son entrée en guerre en 1792 pour sauver la monarchie française. Il prend enfin acte des transformations opérées dans la République italienne en manifestant sa satisfaction de voir les deux couronnes séparées. On sait bien sûr que Joseph va céder la place à Napoléon qui se fait couronner roi d'Italie en avril 1805, ce qui ne peut qu'inquiéter le souverain autrichien. L'amitié proclamée entre les deux pays donc s'effrite. Le souverain autrichien se rapproche de l'Angleterre et de la Russie. La réunion de la Ligurie à l'Empire français aggrave les tensions et fait basculer l'Autriche dans la troisième coalition, à laquelle elle adhère officiellement le 9 août. Un mois plus tard, les troupes autrichiennes pénètrent en Bavière, tandis que Napoléon fait basculer vers l'Europe centrale la grande armée, massée le long de la Manche et de la mer du Nord, dans le but d'envahir l'Angleterre. Le 19 octobre, elle fait capituler à Ulm le général Mack, envoyé ensuite auprès de l'empereur, porteur d'une proposition de paix. François y répond par une fin de non-recevoir. « Si, écrit-il à Napoléon, comme je m'en flatte, les intentions de votre majesté impériale coïncident avec les nôtres, la proximité de l'empereur Alexandre ne manquera pas de me fournir l'occasion de me concerter avec lui sur les moyens propres à en accélérer l'accomplissement. » C'est une manière habile de lui indiquer que la guerre se poursuit. Et dans le même temps, il cherche, comme en 1800, à gagner du temps en envoyant auprès de Napoléon le général Guday, porteur d'une proposition de suspension des combats, que Napoléon repousse. Il n'a aucune intention, en effet, Napoléon, de laisser aux Russes le temps de faire venir des renforts. L'empereur d'Autriche revient pourtant à la charge avec une nouvelle lettre dans laquelle il prétexte de la nécessité de s'entendre avec Alexandre avant de prendre toute décision. L'envoi de négociateurs auprès de Napoléon, en la personne de Gulay et Stadion, le 22 novembre, ne s'accompagne d'aucune suspension d'armes. Ils sont envoyés discuter avec Talleyrand à Vienne, occupé par l'armée française depuis quelques jours, mais sans incidence sur la poursuite d'une campagne qui s'achève à Austerlitz par la victoire de Napoléon face aux deux empereurs, François et Alexandre, le 2 décembre. Deux jours plus tard, Napoléon reçoit l'empereur François à son bivouac. C'est la première rencontre entre les deux hommes. Elle ouvre la voie à un armistice et favorise la reprise de négociations de paix qui aboutissent au traité de Presbourg du 26 décembre 1805. Le terme de négociation que j'utilise est un peu exagéré, tant les conditions imposées par l'Empire français à l'Autriche sont dures, en dépit des recommandations faites par Talleyrand en octobre de ne pas humilier l'Autriche en cas de victoire afin de préserver l'équilibre des puissances en Europe. L'Autriche perd notamment la Vénétie et toutes les anciennes possessions vénitiennes sur l'Adriatique qui seront rattachées au royaume d'Italie. Elle perd aussi le Tyrol qui passe à la Bavière et d'autres possessions en Allemagne. Elle doit en outre verser une indemnité de 50 millions de florins. La défaite de 1805 provoque donc un choc dans le pays, ruiné à la fois sur le plan financier et moral. Mais il reste encore à François Ier ou François II, comme vous le voulez, à supporter une dernière humiliation avec la disparition du Saint-Empire. La perte d'influence de l'Autriche en Allemagne est renforcée par les cessions de territoire qu'elle a dû consentir en décembre, mais aussi par l'élévation des électeurs de Bavière et de Württemberg au rang de roi, l'électeur de Bade devenant grand-duc. Six mois plus tard, la formation de la Confédération du Rhin scelle définitivement le sort du Saint-Empire. Et pour mieux le signifier à François II, Napoléon lui enjoint de se défaire de son titre d'empereur allemand. Après quelques hésitations et de nouvelles menaces de représailles militaires, François s'y résout le 6 août. Dans la foulée, l'ambassadeur de France à Vienne, La Rochefoucauld, propose une alliance formelle à Stadion, nouveau ministre des Affaires étrangères, qui préfère opter pour la neutralité. L'Autriche se replie sur elle-même, pratiquant une forme d'introspection douloureuse qui la conduit à réfléchir sur les causes, tant dans le domaine militaire qu'administratif, de ses défaites successives. Elle s'engage alors, notamment sous l'impulsion de l'archiduc Charles, dans un effort de réforme qui touche notamment l'armée. Mais pour l'heure, l'Autriche conserve sa neutralité dans la guerre qui oppose à l'Empire français la Prusse et la Russie. Dès 1807, pourtant, l'Autriche réarme. L'entrée de l'armée française en Espagne attise les tensions et apparaît comme une nouvelle menace. François Ier se persuade, malgré les conseils de modération de son frère Charles, que le moment est venu de reprendre le dessus sur l'armée napoléonienne. Il encourage un vaste mouvement anti-français en Allemagne qui doit conduire à un soulèvement général, lequel avorte malgré l'insurrection déclenchée dans le Tyrol et quelques tentatives mal coordonnées dans le royaume de Westphalie. Surtout en 1809, l'Autriche est isolée puisque ni la Russie ni la Prusse ne se joignent à elle. L'Angleterre s'engageant modestement sur le plan financier et encore plus modestement sur le plan militaire, la piteuse expédition de Walcheren est tardive et de peu d'effet sur la campagne. À nouveau, l'armée autrichienne est défaite. Napoléon occupe Vienne et une grande partie des territoires autrichiens et impose sa paix à l'empereur le 14 octobre 1809 après de tumultueuses négociations qui ont vu Napoléon depuis le château de Schönbrunn, menaçait l'empereur d'Autriche de conserver tous les territoires occupés par la Grande Armée, soit une population d'environ 9 millions d'habitants. Finalement, l'Autriche doit céder une grande partie de la Galicie au duché de Varsovie, mais aussi la Carniole, une partie de la Carinthie et de la Croatie, qui, adjointes à la Dalmatie et à l'Istrie, forment les provinces illyriennes. L'Empire d'Autriche est désormais menacé dans son essence même, à savoir la pluralité de ses composantes. Napoléon cherche incontestablement à disloquer cet empire. Il envisage ainsi la séparation des trois couronnes d'Autriche, de Hongrie et de Bohême. Il y reviendra du reste à Sainte-Hélène, considérant qu'il a commis une erreur sur ce point. Mais c'est aussi dans cette perspective que, dès les débuts de la campagne, en mai 1809, il a lancé un appel aux Hongrois afin qu'ils se libèrent de la tutelle autrichienne. « Hongrois, leur écrit-il alors, le moment est venu de recouvrer votre indépendance. Je vous offre la paix. l'intégrité de votre territoire, de votre liberté et de vos constitutions, soit telles qu'elles ont existé, soit modifiées par vous-même si vous en jugez, que l'esprit du temps et l'intérêt de vos concitoyens l'exigent. Il joue aussi du sentiment national auprès des Polonais, même s'il est vrai que ceux-ci sont entrés plus récemment dans le giron autrichien. Il développe ensuite dans les provinces illyriennes une politique culturelle visant à favoriser l'émergence d'une identité nationale chez les Croates comme chez les Istriens. Politique qui a pour objectif de les détacher de l'Autriche. L'empereur François en aperçut le danger. Il voit dans les propositions de Napoléon un, je cite, « ultimatum qui n'est pas moins destructif de l'existence de l'Autriche », lui écrit-il dans une lettre du 20 septembre, lettre qui provoque une très vive réaction de Napoléon, sous la forme d'une très longue missive qu'il se refuse néanmoins à adresser à l'empereur, préférant en faire distiller l'essentiel aux représentants autrichiens. Il pense, comme il l'écrit à Champagny, qu'il valait mieux que les souverains ne s'écrivissent pas que de s'écrire des injures. Au lendemain de la paix de 1809, un autre événement auquel Lucien Bély a fait allusion et qui justifie d'une certaine manière que je parle après Chantal Grêle, va intervenir, ce sera mon dernier point, avec le mariage autrichien. La signature du traité de Vienne, le 14 octobre 1809, engage en effet une nouvelle période dans les relations entre l'Empire français et l'Empire d'Autriche. Ce dernier est exsangue après une guerre de plusieurs mois, l'occupation de son territoire, la perte de riches provinces et la disparition de tout accès à la mer, le paiement enfin d'une indemnité de 85 millions de francs qui vient s'ajouter aux frais d'occupation. C'est donc une puissance affaiblie qui reçoit en février 1810 la proposition de mariage entre Napoléon et la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise, et ce, au lendemain de l'échec du mariage avec l'une des sœurs du tsar. Le principal négociateur de ce mariage du côté autrichien a été Metternich, ambassadeur à Paris d'août 1806 à mai 1809, avant de devenir ministre des Affaires étrangères en remplacement de Stadion. Il y a un peu d'écho sur la droite, mais je pense qu'on va y remédier. Il connaît donc bien la France et Napoléon. Le mariage s'inscrit de plus dans le cadre de la politique de rapprochement qu'il engage avec l'Empire napoléonien. Ce mariage donne lieu à un échange protocolaire qui vise à l'inscrire dans la tradition des mariages d'Ancien Régime, tout en manifestant les changements opérés depuis le mariage de 1770. On fait notamment valoir, du côté français, que le cérémonial ne peut pas être exactement identique, puisque Louis n'était que dauphin quand Napoléon est empereur. L'étiquette de 1770, écrite ainsi le ministre des Relations extérieures à son ambassadeur à Vienne, ne peut servir en cette occasion. Marie-Antoinette n'était que dauphine de France. Et le ministre insiste deux jours plus tard en soulignant qu'on peut s'appuyer sur le cérémonial de 1770, mais sans oublier que Louis XVI était alors dauphin et que l'affaire s'était traitée avec l'empereur d'Allemagne. Il faut, poursuit-il, insister sur des changements là où la dignité impériale serait blessée. Les événements se précipitent. L'accord est trouvé le 6 février. Napoléon fait sa demande officielle par une lettre à l'empereur d'Autriche datée du 23 février. Dans le même temps, il écrit à Marie-Louise, qui le considérait il y a peu encore comme une sorte d'ogre, en espérant qu'elle ne se sera pas déterminée uniquement par le devoir de l'obéissance à ses parents. Le maréchal Berthier se rend à Vienne pour les cérémonies du mariage par procuration, l'archiduc Charles tenant la place de Napoléon. Puis, le cortège arrive en France, Napoléon allant rejoindre Marie-Louise à proximité de Compiègne et passant à la surprise générale, sa première nuit avec elle, avant même que les cérémonies n'aient lieu en France. Celle-ci se déroule le 1er avril pour le mariage civil à Saint-Cloud, le 2 au Louvre a lieu le mariage religieux. Pour Napoléon, il s'agit d'un incontestable succès diplomatique, c'est l'aboutissement d'une politique d'alliance matrimoniale avec les principales familles européennes. Il suffit de voir le nombre d'allusions dans les correspondances diplomatiques à Marie-Antoinette pour comprendre l'importance de cette union. Napoléon se plaît à souligner qu'il devient le neveu par alliance de la dernière reine de France. Surtout, devenu le gendre de l'empereur d'Autriche, il peut espérer voir se consolider l'alliance avec ce pays. La naissance du roi de Rome en mars 1811 est un pas supplémentaire dans ce rapprochement, puisque le souverain appelé à régner en France, après la mort de Napoléon, n'est autre que le petit-fils de l'empereur d'Autriche. C'est du reste un des éléments qui explique le choix de l'Autriche d'accepter d'intégrer l'alliance militaire construite par Napoléon contre la Russie en 1812. L'Autriche s'engageant à fournir un corps d'armée de 30 000 hommes qui sera commandé par Schwarzenberg, qui n'est autre que l'ambassadeur de l'empereur d'Autriche à Paris. Corps d'armée qui sera ménagé et peu sollicité, sinon pour la couverture du duché de Varsovie. Dans le même temps, Napoléon met en sourdine son projet de reconstruction d'un royaume de Pologne, pourtant envisagé au début de l'année, mais repoussé à plus tard, en particulier pour ne pas mécontenter une Autriche peu soucieuse de voir renaître un grand État polonais à ses frontières. Il a du reste promis à l'Autriche, dans ce cas, dans le cas où un royaume polonais serait reconstitué, des compensations territoriales sous la forme d'une partie de la Galicie ou des provinces illyriennes. À la veille de la campagne de Russie, Napoléon a revu François à Dresde, accompagné de Marie-Louise. Le désastre de Russie conduit l'Autriche à reprendre ses distances en refusant de fournir de nouvelles troupes et en faisant rétrograder en Galicie le corps de Schwarzenberg. François Ier se pose alors en médiateur entre les différents belligérants, à la différence de la Prusse qui bascule alors dans l'alliance russe. Les liens de famille entre la France et l'Autriche ne sont pas seuls en cause. L'Autriche joue aussi sa propre carte et souhaite entrer dans la coalition dans les meilleures dispositions possibles, c'est-à-dire après avoir réarmé et s'être réorganisé. C'est pourquoi, dans le même temps, Metternich multiplie les contacts avec la Russie et l'Angleterre, tandis que l'armée autrichienne se renforce. C'est aussi Metternich qui favorise la suspension d'armes en juin 1813 et la tenue d'un congrès à Prague. L'empereur François est officiellement désigné comme médiateur entre les puissances en conflit. Le congrès ne débouche sur aucun résultat, sinon l'entrée en guerre de l'Autriche contre l'Empire français le 12 août 1813. Pour autant, Napoléon et François ne cessent pas de correspondre, se donnant régulièrement de leurs nouvelles, échanges personnels qui peuvent du reste faciliter la reprise de négociations officielles, comme ce sera le cas lors du congrès de Châtillon au début de 1814. Mais ces négociations ne pouvaient aboutir devant l'intransigeance de Napoléon quant à la préservation des frontières naturelles. Restait une carte à jouer pour l'empereur d'Autriche, favoriser la transmission de la couronne impériale sur la tête de son petit-fils, ce que les autres alliés n'acceptent pas. Napoléon abdique donc sans condition le 6 avril 1814, tandis que le souverain autrichien venu en France à la suite de son armée au printemps s'apprête à accueillir le congrès qui devait régler le sort de l'Europe à partir de l'automne. Entre-temps, Marie-Louise et le roi de Rome ont pris le chemin de Vienne, Napoléon les attendant en vain à l'île d'Elbe. Le retour de l'île d'Elbe n'est dans cette perspective qu'un sursis accordé à Napoléon, bientôt vaincu à Waterloo et maintenu en captivité à Sainte-Hélène. L'abdication en faveur de son fils, le 22 juin, ne change rien à l'affaire. Le roi de Rome demeurant en Autriche jusqu'à sa mort en 1832, préservé de tout contact avec les milieux bonapartistes français, ce qui rend caduque tout projet de restauration qui aurait pu placer un descendant des Habsbourg sur le trône de France. Je vous remercie de votre attention.